peux dire les mots qu'on s'est jurés pour la vie entière. Ça me fait rêver comme on y croyait. Ce matin, j'ai beau chercher tes yeux pour trouver la lumière, doucement dans un brouillard épais, chose qui a changé. Ça casse, on a beau vouloir faire l'amour, c'est la guerre des plus amères qui nous enchaîne. Ça casse comme un vase en cristal contre le fatal, éclat d'étoile. Tout ce mal bourronne, arrivé là, qu'est-ce qu'on va en faire? Sans défaire ou sans le partager? Trop tard ou trop tôt, peut-on jamais